Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Isabelle Laillère. Salut Isabelle, comment tu vas ? Salut Sofiane, ben, ça va bien. Écoute, je suis contente d'être sur ton podcast. En même temps, au début, je pensais que tu me faisais une blague quand tu m'as proposé. Parce que je ne suis pas humoriste. Ça se saurait. Mais justement, alors je tiens à le préciser, en fait, tu es plutôt comédienne et ton spectacle, enfin, tu fais plusieurs spectacles et tout. Et ton spectacle, je trouvais, moi, j'avais vu un extrait de toi au Field. Il y avait quand même une belle partie humour et c'est cette partie-là qui m'a attiré. Et je me suis dit, ce serait intéressant d'entendre parce que de toute façon, j'ai appelé le podcast Galère d'humoriste, mais bien évidemment, tous les artistes ont des galères. En vrai, j'aurais pu l'appeler galère d'artiste, tu vois. Complètement, ouais, ouais. Alors voilà. Moi, dans le spectacle que tu as vu, je joue, je chante et je danse. Et effectivement, il y a de l'humour, mais dans mes spectacles, dans tout ce que je fais, parce que je ne sais pas si c'est parce que je viens de Belgique, mais vivre sans humour, pour moi, ce n'est pas possible. Mais tu as totalement raison. L'humour, c'est ce qui fait qu'en fait, nos vies sont, tu vois, genre elles sont... Tu sais, c'est comme un assaisonnement, quoi, tu vois. Une vie sans humour, ce serait genre une salade sans sauce ou je sais pas quoi. Désolé, hein, c'est mon côté gourmand qui parle. Mais complètement, complètement. D'ailleurs, tu sais, au début du confinement, le premier confinement, j'ai adoré. J'ai fait plein de trucs artistiques que j'avais pas le temps de faire. C'était génial et tout. Le deuxième, je l'ai un peu moins bien pris. Et en fait, je me suis rendu compte que je me suis vraiment, j'ai foncé la tête dans le guidon, dans le boulot, boulot, boulot, boulot. Et à un moment, j'étais pas très bien. Et je m'arrête, je fais, mais pourquoi en fait? Parce que j'aime ce que je fais et tout. Et je me suis rendu compte que j'étais pas bien parce que je ne rigolais plus, je ne riais plus. Et, oui. Et vraiment, et du coup, j'ai commencé à voilà, regarder écouter des humoristes, regarder des trucs fun, moi réintroduire l'humour, les blagues dans ma vie. Et ben ça a tout de suite été mieux. Ah, c'est beau, c'est un beau message. Parce que j'ose même pas imaginer qu'on puisse penser que l'humour, genre, voilà, il sert à rien ou je sais pas quoi. Et c'est quand même le message qu'on nous a fait passer pendant toute cette pandémie, c'est le côté l'humour est non essentiel, quoi. Les artistes sont non essentiels. Ben non, je suis désolé. Oui, je pense qu'ils ont été un peu, enfin, pas très habiles sur ce coup-là. Voilà, écoute, on sait que c'est essentiel. Moi, tu vois, j'avais fait justement sur la semaine de l'anniversaire une petite émission qui s'appelle Hashtag Essentiel, où des artistes nous expliquaient en quoi c'était si essentiel dans leur vie et comment l'art est entré dans leur vie. Et tu te rends compte que chaque individu, ça construit chacun d'entre nous l'art, tu vois. Je pense qu'ils ont été maladroits sur ce coup-là et qu'ils sont un peu emmêlés les pinceaux. On sait tous que c'est essentiel et que sinon on serait des robots et on crèverait, quoi, ou ce serait tellement, enfin, ce serait impossible à vivre la vie sans art, sans culture, sans toute cette beauté, quoi. Donc voilà, écoute, en tout cas, on est d'accord entre nous, c'est essentiel. Absolument. On est vraiment ravis que le public réponde présent parce que entre les deux confinements, entre les deux premiers, en tout cas, ça fait bizarre de dire ça. En 2050, on sera au 70e confinement, tu vois. Voilà, c'est ça, tu sais, laisse tomber. Franchement, il y a des moments où on se dit que ça s'arrêtera jamais, mais en vrai, non. Heureusement, la vie va pouvoir. Oui. C'est l'histoire de l'humanité. La vie reprend toujours ses droits, d'une manière ou d'une autre. De toute façon, l'être humain, il est obligé de s'adapter. Ça a été toujours comme ça. Donc, on trouvera toujours des solutions. En tout cas, moi, j'y crois. C'est vrai. C'est beau. Cet élan d'optimisme, tu as tout à fait raison. Et la bonne nouvelle, comme je te disais, ben justement, pour rejoindre ton optimisme, c'est que moi-même, j'étais un tout petit peu inquiet, mais j'ai essayé de rester optimiste. Entre les deux premiers confinements, je me suis dit, les gens ne vont jamais revenir s'enfermer dans des salles avec nous et tout. Et en fait, non, ils sont revenus. Tu vois, au mois de juin, au mois de juillet, jusqu'en octobre, ils sont venus. J'ai joué en extérieur, j'ai joué en intérieur. Et je pensais qu'il n'y aurait que du monde à l'extérieur. Bah, pas du tout. Les gens venaient partout parce que les gens ont besoin de rire. On avait besoin. Et d'ailleurs, ça a été le premier réflexe des gens dès qu'il y a eu le premier confinement et tout. Tout le monde s'est mis à faire des blagues sur la pénurie de papier toilette et de pâtes, tout ça. Enfin, tu vois, c'est devenu un moyen de survivre, quoi. Mais complètement. Mais moi, je me souviens, le premier spectacle auquel j'ai réassisté, mais vraiment à l'ouverture, c'était Richard Berry, donc Plaidoirie. Alors, ce n'était pas drôle du tout, mais hyper touchant et hyper beau comme spectacle. Mais je me souviens, il met à peine un pied, Richard Berry, sur la scène, qu'il a une standing ovation. Les gens crient. Bah, tu sens une montée d'émotion. On avait tous les larmes aux yeux de revoir un artiste sur scène et d'être tous ensemble pour vivre ce moment-là, quoi. Donc, oui, c'était fort, c'est puissant. Et on est tous... Enfin, moi, je suis allée voir plein de spectacles évidemment, avec les gestes barrières, avec la distanciation nécessaire et tout ça, les théâtres ont très bien joué le jeu. Oui, mais après, on avait peur que les gens soient un petit peu réticents parce qu'il y avait quand même une certaine, comment dire, panique un petit peu. Il y avait une peur, on ne savait pas, c'était la peur de l'inconnu au début. Tu vois, je pense qu'on n'a pas vécu les deux confinements pareil. Tu vois, je veux dire, les deux premiers confinements, c'était le jour et la nuit. Le premier confinement, on était tous en mode, faut qu'on touche rien. Dès qu'on ramène les courses, moi, je me rappelle carrément, on nous disait, laissez les courses, genre, sortez-les du sac, mais ne les mettez pas directement dans les armoires et tout. Laissez-les, genre, s'aérer un peu pendant au moins 24 heures. Non, mais tu veux connaître la meilleure ? Ma grosse clouse, je faisais ça. Et en plus, les denrées périssables, parce que je lavais tout. Mais c'est-à-dire, tu vas te moquer de moi, mais je lavais mes bananes avec du savon. Non, je me moque pas. Mais tu sais quoi, il y a des gens. Non, mais il y a des gens qui ont tout lavé. Et laver les bananes, moi, ça me paraît pas du tout. Écoute, moi, je me moquais de moi-même quand je faisais ça. Je dis, où est-ce que tu en es arrivé pour laver tes bananes au savon ? Après, si tu veux, c'est plus le côté pesticide dessus et tout qui. Tu vois, parce que c'est toujours un peu collant, un peu, tu vois, sur les bananes. Donc, mais je prends des bananes bio, moi, monsieur. Attention, hein. Tout bio, excusez-moi. Hein. Excusez-moi. Ah, oh. Pardon. J'ai osé vous offenser, pardon. Ce podcast est garanti sans pesticides, ça vous va ? Alors je reste. T'as de la chance. Ah oui, franchement, merci beaucoup, je l'ai échappé belle. Merci, et justement, ça m'arrange que tu restes, parce que justement, tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter, des anecdotes sur scène. Non, mais en fait, si tu veux, moi j'ai plein de vies, donc j'ai plein d'anecdotes relatives à plein de vies, donc je ne sais pas lesquelles tu veux, mais par exemple, si on parle de ma première vie d'artiste, moi je me souviens, j'étais toute jeune artiste, et en fait, à l'époque, j'étais en Belgique, à Bruxelles, et donc on était quelques-uns un peu à tourner en tant qu'artiste dans le milieu, en tout cas du jazz et tout. Et on se retrouve tous sur un plan. Bon, je t'avoue que c'était un plan vraiment pour manger, quoi. On se retrouve dans une sorte de revue. Et en fait, on se connaissait tous. C'était un peu toujours les mêmes qui tournaient. Donc, on était contents parce qu'on se retrouve tous ensemble et tout. Mais bon, ça volait pas très haut, mais c'était quand même sympa. Et donc, on se retrouve en plein hiver à partir en bus dans un trou perdu au fin fond de la Belgique. Une sorte de no man's land où il y a au milieu des champs un genre de bâtiment, mais qui n'est pas fini. Donc, c'est un bâtiment où il y a une scène, où il y a tout un endroit où les gens vont. En plus, c'était plutôt pour des personnes âgées, tu vois, qui venaient les après-midi en tant qu'activité, voir des spectacles et tout. Et du coup, mais derrière, je ne sais pas ce qu'ils avaient foutu, ils n'avaient pas fini le backstage. Et donc, on avait une zone quand même pour se changer. Et puis, il y avait un couloir qui menait à la scène. Et ce couloir, donc d'un côté, il y avait la scène, mais de l'autre côté, il y avait dehors. Il n'y avait pas de porte. On était en plein hiver. Et le premier numéro, ça commençait par un truc genre plumes, Lido et compagnie. Donc, on avait eu des bikinis et puis plein de plumes. Donc, nous, les filles et les garçons, ils étaient plus habillés, tu vois. Mais nous, on était en bikini. Voilà. On est en train d'attendre. Premier morceau, donc, t'attends dans les backstage. Je n'étais pas encore en train de courir entre deux numéros, etc. Donc, et moi, j'avais plein de plumes et tout. Et je suis hyper frileuse. Et j'étais là, mais j'en peux plus, je vais crever, moi. Et donc, on est en backstage, on attend, et le mec qui est sur scène, qui annonce, qui fait l'accueil et tout, et il parle, et j'en pouvais plus. Et je prends les plumes et je me fais un gros nœud sur le ventre pour me réchauffer, quoi. Et il parle, et tout à coup, on entend que ça va être à nous, on continue un peu de s'échauffer, etc. Et tout à coup, la musique part, et on rentre tous, grand sourire, tu sais, genre, Paradis Latin, Lido et compagnie, grand sourire, tatati, tatata. Et à un moment, on est vers la fin et je vois un copain qui me regarde avec des yeux, mais qui s'agrandissent, genre bizarre, quoi. Je fais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il me regarde comme ça, lui? Et puis en sortant, je pars et je baisse la tête et je vois que j'avais oublié de dénouer les plumes sur mon ventre. J'ai fait tout le premier numéro. Les gens, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle a, cette poilue, là? tout le premier numéro. Donc, ça commençait fort, le show. Je vais, bon, dorénavant, je ne ferai plus ça comme ça parce que ça ne le fait pas. Prends un pull. Ah là là là là, non mais qu'est-ce qu'on a... Enfin franchement, sur ce plan-là, on a rigolé, mais franchement, en tant qu'en Belgique, j'ai fait des plans, j'en ai fait des vertes et des pas mûres. J'ai fait un plan avec Benoît Poulvord et une copine qui s'appelle Véro. On s'est retrouvés avec l'équivalent, vous aviez les nulliciens en France, on est d'accord. Ouais. Eh bien en Belgique, on avait les snuls, c'est l'équivalent, mais encore plus surréaliste. Mais oui, j'en avais entendu parler des SNUL, ouais. Bon, bah, je peux te dire que c'était pas mal. Et en fait, mais c'était il y a très, très longtemps. Hein. Benoît Poulvorde, on nous appelle en fait avec ma copine pour, en tant que danseuse parce qu'il avait fait une... Enfin, ils avaient fait avec les SNUL une chanson, je crois que c'est « Viva les Américains ». J'ai une grosse casserole qui se balade d'ailleurs sur Internet où on nous envoie la musique et on nous dit bah, « Voilà, ça va être la chanson qu'on va tourner pour l'émission. » Et donc, on veut de Nana qui font les pom-pom girls. Et vous faites une choré. Donc, on prépare la choré avec ma copine et tout. On débarque et on se retrouve. Je pense qu'ils avaient loué un ancien truc bizarre. Bon, là, c'était d'accord. Juste pour le tournage, mais déjà, le lieu, il était bizarre, avec une scène. Et donc, on se retrouve habillés en pom-pom, ma copine et moi, autour de Benoît Poulvorde, qui était super timide, donc il osait à peine nous regarder pendant la choré et tout. C'était hyper drôle. Alors ça, c'est une casserole qui se trimballe sur Internet. Je l'avais reposté d'ailleurs sur mes réseaux à un moment, parce que c'était trop marrant. C'est tellement rare de voir des gens qui repostent leur casserole, tu sais. Mais oui, parce que j'avais fait ça, je pense, au moment de l'élection de Biden ou un truc comme ça, en mode OK, Biden est passé, maintenant on peut tout passer. Oui. Mais je ne sais plus, écoute, tu sais, on parlait avant d'enregistrer de l'autodérision qui vient de la Belgique. Tu vois, il y a un moment, on s'en fout, tu rigoles. C'est une chouette casserole, tu vois. Moi, je préfère largement quelqu'un comme toi qui va assumer totalement et dire regardez, voilà ce que j'ai fait, marrez-vous. Et plutôt que quelqu'un qui va tout faire pour étouffer le truc et tout, qui va pas assumer, parce que, enfin, assumer nos casseroles et nos erreurs, c'est assumer notre humanité, en fait. Oui, et puis, franchement, enfin, ça nous tue pas, et puis c'est, enfin, il faut bien, moi, je ris facilement de moi, donc, et au contraire, ça fait des chouettes souvenirs avec ma copine. La tête de Benoît Poulvorde, quoi, quand il nous voyait les deux greluches là en train de danser. C'était super drôle, quoi. C'était super drôle. Et puis sinon, à Paris, j'en ai aussi, toujours en spectacle. Il y a eu deux trucs. Il y a eu mon premier spectacle à Paris, mon premier seul en scène, c'est Love Cabaret. C'était au Théâtre du Gymnase. En fait, ils avaient vraiment gentiment accepté de me prêter. C'est pas la salle de spectacle du Gymnase, c'est la salle où il y a un comedy club au premier étage. Je ne sais pas si tu connais cette salle-là. Oui, oui. Et donc, Jean-Pierre Gauthier, Tonton, Monsieur Bertin, toute l'équipe m'avait filé la salle hyper sympa. Sauf qu'en fait, moi, mon premier spectacle, enfin, dans mes spectacles, je chante, mais les chansons, tu vois, il y en a certaines, c'est... genre New York, New York, quoi, tu vois, donc à un moment, ça dépote au niveau du son. Ouais. Et en fait, bon, j'avais pas trop de budget pour ce spectacle-là, donc je demande à un de mes meilleurs amis, Chris, de venir faire la régie, son lumière, tout ça. Alors lui, c'était drôle parce que c'est pas du tout son métier, mais il a un hyper grand talent artistique. Et tu sais, quand t'as pas d'argent, bah tu te démerdes, quoi. Enfin, en tout cas, moi, c'est la leçon que j'ai appris de la Belgique. Il y a pas d'argent, on va pas s'arrêter pour autant. On a des idées et puis on a de l'énergie et on va trouver des solutions. Donc Chris, mon ami, je lui dis, écoute, j'ai besoin de toi. Il faut que tu fasses ma régie. Donc bon, il avait un peu peur, mais il fait OK, je viens. Et en même temps, il était hyper excité et tout. Sauf que on fait notre première répète. Donc déjà, hyper drôle, c'est que la scène, il y a une mini-scène, tu vois, mais le plafond, il n'est pas très haut. Donc, je commence à faire ma première répète et je commence à faire je fais des grands mouvements de danseuse et je commence à lever les bras et paf, je me cogne au plafond. Donc, déjà, tu fais « Ah, merde, c'est très bas de plafond ». Donc, on va devoir un peu adapter les mouvements. Bon, c'est pas grave. Et à un moment, je commence à faire justement une chanson qui dépote vocalement. Et là, en fait, les baffles, enfin, c'était une vieille table de mix, mais qui date, je sais pas, des années, laisse tomber, quoi. Pas 40, mais presque, quoi. Et je commence genre, en gros, c'était les enceintes qui avaient servi pour le mariage de Napoléon, quoi. Ah non, mais c'est carrément ça, quoi. Et à un moment, je commence à faire ah, mais un truc vraiment puissant. Et les enceintes qui font un truc impossible. On se fait oh merde. Mais en plus, enfin voilà, j'ai quelques moments dans le spectacle où vraiment, enfin l'idée, c'est quand même on t'y va, quoi. Et du coup, on se regarde, on fait aïe aïe aïe, c'est la merde. On essaye de régler les trucs impossibles. Et donc, en fait, la seule solution qu'on a trouvée, c'est que heureusement, Chris à la longue, il connaissait le spectacle par cœur. Et donc, en fait, il prenait le dimmer du son. Et en fait, dès que ça commençait à monter, il réduisait. Et quand c'était très haut, il mettait le son à zéro parce que c'est pas une grande salle, tu vois. J'avais limite pas besoin de micro pour ces sons-là. Et du coup, il descendait et puis puis il remontait. Enfin, tu vois, j'avais un humain qui faisait qui remontait, qui redescendait. C'était assez drôle, mais la tête qu'on a faite la première fois quand on s'est dit, mais en fait, c'est pas possible, quoi. Et en même temps, il y a des moments où je parlais, tu vois, et c'était bien d'avoir un support ou des moments très fins dans la musique où t'as pas envie de faire trop fort parce que justement, c'est sur la subtilité. Donc, on s'est dit, il faut quand même garder ce micro et ses enceintes. Mais ça, et un autre truc sur le spectacle d'après, Mademoiselle, au Théâtre du Marais, que mm-hmm. j'adore et qui m'a produit, que voilà, je remercierai infiniment toute ma vie. C'était, en fait, ce qui s'est passé, c'était énorme. C'est, là, pour le coup, les conditions étaient vraiment super. J'avais Vincent Gaillard, mon pianiste et tout. Et en fait, je sais pas s'il faisait chaud. Donc, on avait la clim et tout. Et Philippe Davila, qui est mon metteur en scène et qui était aussi là pour vérifier souvent que tout aille bien et tout. Enfin, comme un metteur en scène qui suit le spectacle et tout. Et un jour, il faisait très chaud. Et donc, il coupe la clim. Et donc, c'est un spectacle où j'alterne chanson et texte, où je raconte une histoire. Donc, je commence une chanson, donc je chante la chanson et tout ça, écoute la clim pendant la chanson. Et ils ne se rendent pas compte qu'en fait, la musique s'arrête, le piano s'arrête en même temps. Et moi, donc, je suis en train de chanter, je ne sais pas ce qui se passe, je suis en train de chanter, la musique s'arrête. Donc, mine de rien, je continue à chanter, tu vois, en me disant, OK, je ne me laisse pas démonter. Je chante la chanson, tatati, tatati. Et pendant que je chante, je suis en train de me dire, OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vient après? Un texte, parce que je me dis, je vois que ça s'agite en régie, je me dis, bon, ils sont en train de se demander ce qui se passe, tu vois. Mmh. Ok, donc je chante ma chanson. Pendant ce temps, je suis en train de me dire, ok, qu'est-ce qui vient derrière? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a... Quand arrive la chanson suivante, le temps qu'ils puissent trouver ce qui est en train de se passer? Donc, il se passe 1000 trucs dans ma tête pendant que je chante. Et tu dois garder bonne figure devant le public. Voilà, écoute, là, franchement... Ça marche, tu vois, je le fais et tout. Bon, ça, c'est quand tu as vraiment des heures et des heures de scène derrière toi, tu te laisses un peu moins facilement impressionner. Donc, je continue et tout. De là, je fais mon texte qui suit la chanson sans musique. Et de là, arrive la chanson suivante. Et là, je suis là, OK, bon, ben, j'espère que la musique reprend parce que sinon, enfin, il y a un moment, tu ne peux pas faire tout le spectacle sans chanson. Tu te sens, hein, tu vois la galère arriver, quoi. Tu dis, tu vois le moment où tu dis, bah, désolé, mesdames et messieurs, il faut qu'on arrête. Bon. Et là, donc, j'arrive et tout. Et j'arrive au moment fatidique, mon cœur qui bat. Je vais lancer la première note et tout. Et là, paf, la musique qui repart. Et donc, effectivement, ils avaient couplé, ils n'avaient pas fait attention, ils avaient couplé la clim et le piano. Et le temps de se rendre compte, voilà, ils l'ont remis et heureusement, ça nous a sauvé. Et c'est tombé pile au dernier moment, genre comme dans les films, quoi. Ah non, mais c'était vraiment dingue, quoi. Et je les voyais s'agiter et tout. Mmh. Et moi, en plus, c'était une chanson toute douce et tout. Donc, c'est pour ça que les gens, ils s'en sont pas vraiment trop rendu compte parce que la musique était assez douce et j'ai continué comme si de rien n'était. Derrière, Philippe m'a fait, non mais franchement, bravo parce que c'était un peu perturbant comme situation. C'est ça, c'est ça. Bah, il fallait faire appel à Chris, tu sais, Chris qui t'a sauvé du coup juste avant. Là, tu aurais fait appel à lui là-dessus. Il aurait sûrement trouvé une solution, un truc. Il aurait sorti sa guitare, on aurait continué à la guitare. Et, mais tu sais, pendant le truc, j'entendais le pauvre Vincent au piano qui touchait ses touches, tu sais, tac, tac, tac, et il n'y avait plus de son qui sortait, c'était horrible. On aurait dit un massage cardiaque de piano, peut-être. Ah, c'était carrément ça, t'as tout compris. C'était énorme, mais c'est un moment, t'es là, mais en fait, c'est marrant parce que c'est comme si t'étais propulsé sur une autre planète que tu ne connais pas et tu marches, tu sais, vraiment sur la pointe des pieds parce que tu sais pas s'il y a un gouffre derrière ou s'il y a une belle prairie avec un grand soleil. Et voilà, mais heureusement, ça s'est bien terminé et bravo à l'équipe qui a trouvé la solution parce que voilà, le spectacle, enfin vraiment, il n'y a eu aucun souci et les gens m'en ont même pas parlé, tu vois, donc c'est passé comme une lettre à la poste, quoi. Incroyable, mais... cette histoire. Bon, bravo à toi aussi, hein, parce que toi, c'était toi qui étais en lumière justement et il fallait surtout pas que ça se voit sur toi que tu étais troublé par ce qui était en train de se passer. Fallait pas que tu abandonnes, donc tu as gardé le rythme et tout, et puis après tu as repris. Donc là, comme tu le disais, tu vois, il faut avoir des heures de scène et tout pour pouvoir gérer comme ça. Mais c'est ce que tu apprends, hein. C'est ce que tu apprends. Ouais. Tu apprends aussi quand tu te trompes, faut surtout pas que ça se voit sur ta tête, parce que si ça se voit pas sur ta tête, c'est les gens qui qui pensent qu'ils se sont trompés dans leur dans ce qu'ils ont vu, en fait. Si toi, tu fais comme si de rien n'était. Et tu as des gens qui ne sont pas sûrs d'eux, et ils ont fait juste, mais leur tête, tu as l'impression qu'ils se sont trompés rien qu'à leur tête, quoi. Donc, c'est vraiment show must go on. Non, plus tu as d'aplomb, au plus, c'est comme quand tu essaies de rentrer en loose day à une soirée VIP, tu vois. Si tu as de l'aplomb, tu fais, bah oui, c'est normal, c'est ma place. Les gens, ils te mettent pas en doute. Ouais, voilà, d'accord, ok. Donc, tu dois avoir des anecdotes aussi où tu t'es incrusté, non ? Ouais, je me suis incrusté un jour, c'est énorme. J'avais pas le bon bracelet. Et en fait, il y avait une soirée bis et tout. Et je me dis, oh, ben ouais, moi, je veux aller à la soirée bis. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je vois des gens passer. Et du coup, j'ai foncé dans le groupe. Et je pense que j'ai même parlé à quelqu'un. Et je suis entrée. Et je me suis retrouvée avec plein de gens, des artistes. Et aussi, j'avais fait connaissance avec, je ne sais pas si tu vois qui c'est, Mirko Bergamasco, qui est un joueur de rugby, qui fait partie, tu sais, de ce calendrier des dieux du stade et compagnie. Enfin, plein de gens. Écoute, c'était vraiment fun. Mais en fait, moi, c'est vraiment plus pour l'histoire de faire une aventure, genre opération, opération espionnage, plus pour le challenge de réussir un truc. Et après, c'est super chouette. C'est... Ah, mais carrément. Et puis d'être où t'es pas censé être, moi, ça me fait trop marrer, tu vois. Donc, c'est plutôt. Ouais. Ça me fait encore plus plaisir d'avoir réussi ça. Et puis derrière, c'est chouette de rencontrer des gens. Mais c'était vraiment ce truc-là de réussir une mission, quoi. Moi, j'adore les missions. Bravo, mais tu as totalement raison. Et oui, pour le joueur de rugby, malheureusement, je ne le connais pas. Si tu veux, j'ai le gabarit d'un joueur de rugby, mais je n'ai aucune connaissance là-dedans. Tu vois, vraiment, je suis nul. Et pourtant, je viens de Clermont-Ferrand, et, donc du coup, le pays de l'ASM, quoi. D'accord. Bah, écoute, tu regarderas dans le calendrier des dieux du stade. C'est un jeune homme blond avec des cheveux un peu frisottants, qui est pas mal. Très bien. Merci beaucoup. Et franchement, ce sont des belles anecdotes. Du coup, tu as enchaîné un petit peu les galères, tout ça. C'est bien. Bah, c'est bien. Ça c'est pour le spectacle. Sinon, en télévision, si tu en veux une ou deux. Oui, bien sûr. En télévision, tu sais, bah, nous, on fait beaucoup de direct à France Info. C'est vraiment France Info, c'est la promesse. Quand c'est possible de faire du direct, on en fait. Et parfois, tu as des invités qui arrivent, mais genre, mais limite, quoi. Moi, je me souviens un jour, pourtant, c'était à 23h15, je pense, mon direct. Donc, c'était assez tard, et parce que ça nous permettait justement d'avoir des artistes qui avaient un spectacle le soir, ils pouvaient enchaîner derrière. Parce que si tu as un direct à 21h et que tu fais des interviews culture, ben, tu n'as personne, quoi, puisque les gens, ils sont sur scène. Du coup, c'était justement Philippe Davila. Mon metteur en scène, il faisait un spectacle absolument formidable. Je ne sais pas si tu l'as vu, c'est un spectacle musical qui s'appelle Gutenberg. Et je voulais vraiment en parler parce que c'est une performance de malade. C'était deux sur scène et c'était hallucinant ce qu'il faisait. C'est pas parce que je le connaissais, c'était vraiment parce que ce qu'il faisait, c'était extraordinaire. Et donc, je dis, écoute, Philippe, je voudrais vraiment t'inviter parce que ce spectacle, il faut que les gens le connaissent. Et donc, il fait, OK, pas de souci, mais sauf que le show était à 21h30. C'était censé finir à 22h40. C'était au Sentier des Halles. Et donc, bon, en taxi, 23h05, 23h10, c'était faisable. Sauf qu'en fait, le spectacle d'avant avait pris du retard. Et donc, ils ont commencé, mais bien en retard. Et donc, du coup, en fait, il est arrivé, mais à 13h. Donc, passé à 23h15, à 23h13, il n'était pas encore là. Donc, moi, j'étais là, on était en contact par SMS. Je fais, OK, est-ce que tu penses que ça va être possible et tout ? C'est la loue, c'est en direct. Donc, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? L'invité, il n'est pas là. Donc, moi, je m'étais préparée, etc. Il arrive à 14. On lui saute dessus. On l'équipe parce qu'en plus, il y a le temps de... Tu sais, tu as des endroits où le micro, il est installé. Mais nous, il fallait équiper l'artiste. Pendant qu'il est équipé, la maquilleuse lui saute dessus avec son pinceau pour le poudrer comme on peut, mais genre pas grand-chose. De là, on court sur le divan. Et de là, bonjour, bienvenue, t'es là. C'était mais vraiment à moins une, quoi. Mais c'était hallucinant. Et pareil aussi à France Info. Donc, l'année d'après, je passe à 23h45. Donc, bon, c'est bien parce que moi, ça me permet de faire des choses avant et tout. Pareil, ça permet aussi d'avoir des invités et tout. Et là, c'est pas un invité, c'était la chronique culture. Et moi, je suis toujours en avance, je suis là, je prépare mes fiches, je me mets dedans. Enfin, tu vois, je suis toujours de l'avance. Voilà, c'est une habitude, quoi. Et je suis là, il est 23h30, on m'équipe et tout. Et là, tout à coup, 23h34, j'entends et tout de suite, on retrouve Isabelle et Julien pour la chronique culture. Mais c'est genre 12 minutes avant, quoi. Et là, je fais quoi ? Non. Et je commence à courir. Julien, pareil, il est pas au courant. Il entend ça, il fait, mais qu'est-ce qu'il fout ? Il commence à courir. On a 20 mètres tous les deux pour arriver au fauteuil, quoi, au canapé. On saute sur les canapés et tout de suite, je fais, et bienvenue dans l'interview culture. Sauf qu'en fait, je sais pas, il y a l'adrénaline, le stress, le truc. On était tous les deux, mais essoufflés, comme si on avait fait 12 kilomètres. Alors qu'on avait fait 20 mètres, n'importe quoi, et mort de rire et tout. Mais tu dis, mais nous faites pas des blagues comme ça, les copains. Et heureusement, on était prêts. Je sais pas ce qu'ils ont foutu en fait. 12 minutes d'avance, faut le faire quand même. Ouais, on n'a pas eu le fin mot de l'histoire, genre un invité qui manque ou un truc comme ça. Non, je sais pas. Ils avaient pas calé leur truc, je sais pas. Ou ils se sont trompés dans l'ordre des choses, je sais plus. Mais en fait, ils nous ont lancés et heureusement, on était là tous les deux. Mais c'est voilà. Écoute, parfois, tu as des trucs comme ça. Peut-être qu'ils avaient couplé les horloges avec la clim. Et du coup. France Info. Écoute, voilà. Peut-être. La clim me suit. Moi qui suis super frileuse. Pas très clim, mais ouais, non, écoute, c'est drôle, mais en fait, l'idée, c'est surtout quand il arrive un truc, c'est déjà d'en rire, parce qu'aussi le public, quand on rit, ben ça l'amuse. En fait, quelque part, tu donnes la température en fait au public. Quand tu te marres, il se marre, quand tu es tendu, il est tendu. Donc voilà, nous, eux, enfin, je pense que là, sur le lancement, ils n'ont pas su ce qui s'est passé, mais on était quand même morts de rire, donc ils se sont bien sentis qu'il y avait eu un truc. Mais ouais, je pense que de toute façon, après, ça va, on ne sauve pas des vies, on fait du mieux qu'on peut. Si tu n'as pas bien préparé ton truc, là, c'est sûr que c'est naze et que tu peux t'en vouloir, quoi. Mais si tu fais ton max et qu'il arrive des choses, ben, c'est les aléas du direct, c'est les risques du métier, et puis ça fait des anecdotes sympas à raconter à Sofiane dans son podcast. Et bien, je suis ravi. Tu vois, j'irai pas jusqu'à te souhaiter d'en avoir des nouvelles, galère, hein, mais je suis ravi que tu aies vécu celle-là pour pouvoir les partager avec nous. Et tu vois, je suis vraiment d'accord avec toi au niveau du public quand tu dis que si t'es stressé, tu vois, si t'es tendu, le public va être tendu, si t'es cool, le public va être cool et tout. C'est totalement ça. Tu sais, moi, quand j'ai commencé, on a n'arrêtez pas de me dire tout le temps, prends du plaisir et le public, fais-toi plaisir et le public prendra du plaisir. Et je disais, bah, c'est bizarre quand même de dire ça parce que c'est deux entités différentes. Et en fait, non, je me suis rendu compte avec le temps que, effectivement, quand toi tu prends du plaisir, le public aussi, il est avec toi. Alors que si tu fais ton texte en mode vraiment scolaire et nanana, il y a une crispation qui fait que le public ne va pas se détendre et ça fait bizarre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est moi, quand les gens me demandent, quand j'ai quelqu'un, par exemple, un humoriste débutant qui vient faire ma première partie ou quoi, je lui dis, quand il me dit, ouais, t'as un conseil à me donner, je lui dis la même chose qu'on me disait, fais-toi plaisir et le public se fera plaisir aussi. Mais complètement. Et puis tu sais, l'erreur déjà, ça te rend humain, donc ça te crée un lien avec le public qui se disent bah oui, c'est pas un super héros, moi non plus, donc ça crée une sorte de lien. Et puis aussi ça crée une complicité parce qu'ils voient bien que tu galères et bah, si tu rebondis, il se passe des choses. Parfois il y a bah, c'est bien connu et les humoristes sont vraiment spécialistes là-dedans et c'est génial. C'est que tout à coup il se passe un truc, bah, finalement tu rebondis, tu en ris et finalement ça crée un moment que personne d'autre n'aura vécu, donc unique, qui est une sorte de complicité entre toi et l'artiste, et c'est formidable. Et je vais te dire un truc, moi à un moment je faisais du repérage de talent pour France Télévisions avant d'être journaliste sur France Info, et je prenais l'idée de prendre des humoristes parce que justement ils rebondissent avec tout ce qui se passe, et que c'était pour faire des chroniqueurs auprès des animateurs. Et moi mon argument c'était de dire c'est bien d'avoir des gens comme ça auprès des animateurs parce que quoi qu'il se passe, ils vont rebondir, ils vont créer le show, ils vont mettre de l'ambiance, et c'est du pain béni pour des émissions qui sont plutôt du divertissement et tout. C'est formidable. Ils savent faire d'un petit aléa, ils savent faire un événement super drôle et super génial. Et tout ça, ils le travaillent sur scène en galérant, en connaissant des aléas, des galères, des soucis, et au contraire, moi je dirais que pour les humoristes, ben plus ils en vivent, plus ils vont s'habituer et plus ils acceptent de prendre finalement cette perche qu'on leur tend à ce moment-là. Il faut le voir comme une perche plutôt comme une contrainte ou un problème, je pense. C'est vraiment une occasion d'apprendre, de s'entraîner et de se créer une capacité à rebondir et à transformer la galère en juste super opportunité. Oui, c'est totalement ça. Moi, je pense que les humoristes, en fait, à partir du moment où on se dit il faut accepter ce qui se passe et il faut accepter les galères, on en fait une force derrière, on n'a plus peur. Et c'est ce que je disais dans un autre épisode, c'est que nous, on a la chance de pouvoir recycler nos galères. C'est-à-dire que comme on est humoriste, il suffit de raconter des choses qui nous ont fait souffrir sur le moment, en les transformant avec les bons mots et tout, on va pouvoir tout simplement faire rire les gens. On va transformer notre galère en positif, parce que ça va être du matériel pour le nouveau spectacle et tout ça. Et je pense que le public aime la sincérité. Et quand le public te voit, par exemple, mettons une galère de, je sais pas, un micro, un truc qui se casse la gueule, par exemple, derrière toi dans le décor ou quoi, ou en coulisses, on entend un bruit bizarre. Si tu ne dis rien, c'est comme si tu refusais l'obstacle. Et les gens vont se sentir un petit peu lésés. Ils vont dire, bah non, ta prestation, elle est complètement aseptisée. Nous, on fait du spectacle vivant. Tout à fait. Et d'autant plus qu'en fait, si tu fais semblant de rien, les gens, ils l'ont vu. Donc, en fait, dans leur tête, à ce moment-là, ils ne t'écoutent plus. Ils sont en train de se faire un film. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Ou ceci ou cela. Donc, ils partent ailleurs. Tandis que si toi, tu les récupères sur ce qui se passe et que tu en fais un événement commun, bah, du coup, tu les ramènes à toi et tu les emmènes en voyage à partir de ce qui se passe, parce que personne n'est dupe, tout le monde le voit. Après, ça dépend. Parfois, il y a des petites choses, faut pas, sinon, t'arrêtes pas de... Parfois, moi, j'ai vu des humoristes qui s'arrêtaient toutes les 2 secondes au moindre truc. Donc, il y a un moment, faut savoir saisir la vraie opportunité et laisser passer le petit truc inutile, tu vois. Sinon, tu t'en sors jamais, quoi. Sinon, la galère, tu sais, c'est comme dans la vie, hein. Quand ça arrive, quand quelque chose arrive, le refuser, de toute façon, ça ne sert à rien puisque c'est là. Et l'idée, c'est que si ça arrive, ben... Qu'est-ce que ça t'apporte comme réflexion, comme information sur ce qui se passe dans ta vie, sur ce que tu dois changer ou ce que tu n'as pas fait, ce que tu devrais faire. Enfin, de toute façon, une contrainte, une galère, autant en faire quelque chose. Pour moi, je trouve que c'est souvent, très, très, très souvent une opportunité. Et si tu en fais quelque chose, ça se transforme en cadeau, que ce soit sur scène ou dans la vie. Oui, bien sûr, bah, c'est très bien dit. C'est une façon pour nous d'évoluer. En fait, ce sont des petits, comme des petits stages, tu sais, genre d'évolution qui vont nous permettre de nous remettre en question et puis d'avancer, de mieux appréhender les aléas du spectacle, tout ça. Et il ne faut pas les refuser. De toute façon, quelqu'un qui refuserait qu'il lui arrive ça, bah, faut surtout pas qu'il monte sur scène, quoi. C'est impossible. Tout à fait. Et puis, tu sais, c'est vraiment se dire, mais ça, c'est peut-être mon côté belge, c'est que franchement, les choses vraiment vraiment graves dans la vie, il n'y en a pas beaucoup. C'est la maladie, la souffrance, et puis la mort, et finalement la mort de l'autre, puisque toi, quand tu es mort, tu ne te rends pas compte. Et tout le reste, bah, ça peut être des accidents et compagnie, mais c'est vraiment prendre un peu de recul. Et souvent, il y a aussi une phrase qui est sympa, c'est de se dire, est-ce que dans 6 mois, ça aura de l'importance, parce que ce sur quoi je suis en train de me prendre la tête? Et bah, souvent pas, en fait. Donc tu vois, c'est ce recul, et c'est pas toujours simple, hein, mais essayer en tout cas de tendre vers ça, je pense que ça peut vraiment alléger les choses. Et puis pareil, se marrer des choses, ben, sur scène finalement. Alors en tant qu'humoriste, c'est encore plus simple, parce que quand t'es dans une pièce ou un spectacle avec une histoire où finalement ce fameux quatrième mur, tu vois, où t'es pas censé discuter avec les gens parce que c'est vraiment une histoire, t'es un Shakespeare et tout, tu peux pas commencer à dire et toi, ton portable, c'est plus compliqué, tu vois. Mais alors pour le coup, les humoristes, enfin, ils peuvent s'en donner à cœur joie, voilà, parce que justement, ça s'y prête, quoi. C'est d'autant plus une opportunité pour eux, quoi. Bien sûr, bien sûr. Bah, oui, l'absence de quatrième mur nous permet de vraiment réagir sur tout. Après, il faut le faire à bon escient, comme tu le disais tout à l'heure. Et je pense que plus on le fait, plus on sait le faire et on devient après des gens... tu vois, moi, je vois par exemple Kayron. Tu as vu son spectacle? Ah ben, carrément. Ouais, ouais. Voilà. Kayron, tu vois, c'est à force de faire des impros avec le public que maintenant, il a des tiroirs pour tout. Il peut se passer n'importe quoi dans la salle. Il a une blague dessus, quoi. Exactement, c'est ça. C'est comme en impro, finalement. Tu vois bien qu'en impro, au début, ben, t'es mauvais. Et puis, en fait, comme tu dis, tu te fais une sorte de bibliothèque de réactions. Et après, bon, juste le danger, c'est de finalement rester dans ta bibliothèque et toujours sortir les mêmes choses. Donc, l'idée, c'est de se mettre en danger et de retenter d'autres choses en se disant, c'est pas grave, j'ai le droit de me planter parce que finalement, on s'en fout, en fait. Et à la limite, ben, si t'en ris, ben, le public en rira avec toi. C'est être un peu un aventurier et d'aller voir quelle opportunité se cache vers tout ce qui se passe et finalement de tenter des trucs nouveaux. C'est génial, c'est l'aventure, c'est ça qui est chouette. La vie, il faut la prendre comme une aventure, sur scène comme en dehors de la scène, il faut en faire une grande aventure. Je suis totalement d'accord avec toi et je te remercie, ça fait une conclusion parfaite pour ce podcast. Franchement, là, c'est une belle leçon de vie. La vie doit être une aventure, on doit la vivre comme une aventure. Et je te remercie, c'est la sagesse de tes années sur scène, à mon avis, qui parle, et la sagesse des soirées VIP où tu t'es incrusté. Voilà, en n'étant pas très sage, mais oui, il y a la sagesse, il faut être sage et puis en même temps pas trop sage, voilà, il faut trouver un équilibre. Mais en tout cas, moi, je voulais déjà te féliciter pour ton podcast parce que c'est une super idée, c'est vraiment génial. Nous, on se marre, on dédramatise aussi, tu vois, quand t'écoutes, et j'imagine tous les humoristes et les petit jeune qui commence et tout à écouter ça, ben oui, il dédramatise le fait de se tromper, c'est pas grave de se tromper. Et puis voilà, c'est génial que le concept et le fait de partager ça, je sais ce que c'est que d'avoir un podcast et de, c'est du boulot, c'est aussi de la persévérance, c'est de la constance et tout ça, donc je te félicite, et d'autant plus que tu t'es levé à 4 heures du mat, alors double, triple, quintuple respect. Eh bien, merci beaucoup, ça me va droit au cœur, je suis vraiment ravi que le concept t'ait plu, et je pense qu'on n'a pas le choix, en fait, quand on veut faire ça, de toute façon, on le fait avec passion, donc voilà, toi-même, tu parlais de ton podcast, et j'invite, oh combien j'invite les auditeurs à aller l'écouter, ça s'appelle Viser la Lune et c'est vraiment génial, vous allez découvrir les histoires, bon je vais pas vous spoiler les invités, vraiment allez ça parle de croire invités. En ses rêves, voilà, avec des personnalités et ça dit en fait que finalement derrière un rêve il y a oui des galères et que la différence entre ceux qui réussissent un rêve et ceux qui le réussissent pas ou ceux qui y arrivent et ceux qui y arrivent pas, c'est simplement de pas avoir lâché malgré les contraintes, malgré les difficultés, et ils te disent tous finalement, tous ces artistes que Pascal Légitimus, Labajon, Marianne James, Jarry et j'en passe, que finalement, ben, tout ça, toutes les galères, ça les a fait grandir et c'est grâce à tout ça qu'ils sont là où ils sont aujourd'hui. Donc vraiment, il ne faut pas y lâcher, il faut y aller, mais il faut choisir le bon rêve aussi parce que ben, tu vas vivre avec ce rêve jour et nuit et que si ce n'est pas ta passion, ben, tu n'auras pas la force de le faire. Donc il faut choisir le bon rêve et quand tu as le bon rêve, ben, faut pas lâcher, il faut y croire et il faut partager et kiffer le plus possible, quoi. Mais ça demande voilà, de l'énergie, de la constance et ne pas lâcher. C'est vraiment le meilleur conseil que tu puisses donner, ne pas lâcher. Quand on est un artiste, on a besoin de se motiver et de ne surtout pas lâcher devant les difficultés parce que bien sûr les débuts sont difficiles et après la bonne nouvelle c'est qu'en écoutant des personnes que ce soit dans mon podcast ou dans le tien, on se dit ah bah tiens lui il a fait ça, ben ça veut dire que c'est normal, moi j'ai galéré l'autre jour mais ça veut dire que voilà ça va être le cheminement normal et après peut-être un jour j'arriverai à faire quelque chose, à réaliser ce rêve, donc vraiment voilà le message est clair et merci à toi Isabelle pour ça, ne rien lâcher, ne pas lâcher, ne jamais lâcher, c'est ça. Ne jamais lâcher, mais aussi avoir la capacité de se remettre en question, parce qu'effectivement, si ça marche pas d'une certaine manière, c'est que peut-être il faut changer des choses. Hein. C'est important. C'est Einstein qui disait ça. Il faudrait être complètement fou pour penser qu'en faisant exactement la même chose, on pourrait avoir des résultats différents. Donc effectivement, si on a toujours la même galère, ben faut changer, faut tenter. Mais on rejoint l'idée de l'aventure. Ah, c'est sûr qu'au bout de la cinquième fois, tu vois qu'il t'arrive un truc et t'as rien changé entre les cinq. Oui, là, oui. Non, il y a des questions à se poser. J'avoue. Mais non, voilà, mais la scène est une remise en question permanente et le spectacle vivant en est une. Vraiment, c'est une remise en question tous les soirs. Des fois, en faisant même la même chose. Bah justement, tu vois, en faisant la même chose. Là, du coup, Einstein, il serait. Je sais pas ce qu'il en penserait. On lui demandera. mais donc. Mais Albert, si tu nous écoutes, hein, donc ce que je veux dire, c'est vraiment le fait de faire exactement la même chose dans la vie ne mène jamais à des résultats différents. Mais j'ai l'impression que sur scène, c'est quand même le cas, tu vois. C'est-à-dire que tu peux faire une performance avec une énergie, avec un texte, avec une prestance, tout ce que tu veux. Le lendemain, tu fais la même chose, la même énergie, la même prestance et le public réagit différemment. Mais parce que toi, tu es différent, parce que tu n'es pas pile poil dans le même état, tu n'as pas vécu la même chose, tu n'as même pas dormi le même nombre d'heures, tu n'as pas mangé la même chose. En fait, on évolue, on est différent à chaque instant. Donc, le public est différent, toi, tu es différent, enfin, tout est différent. Donc, ça, c'est bien. Mais l'idée, dans le fait de changer les choses, c'est-à-dire de ne pas être sur des rails et de enfin, tu vois, c'est intéressant de tenter d'autres façons de faire, d'aller chercher, d'aller tester. Et puis, voilà. Et c'est ça qui est chouette dans la vie, comme sur scène, en fait. De toute façon, se mettre sur des rails, enfin, on peut pas quand on est artiste, sinon tout de suite on s'ennuie quoi, c'est pas possible. Je te remercie justement d'être sorti un petit peu de tes rails du coup pour accepter mon invitation dans un podcast habituellement avec des humoristes. Ah, mais c'était très drôle. Mais je te remercie. Bah déjà tes galères sont totalement des galères qui peuvent arriver aux humoristes. D'accord. Et tu valides mes galères en fait. Je les valide parce qu'elles t'ont permis de grandir et d'évoluer et aujourd'hui. Oui. Je suis sûr que tu les appréhendes différemment quand ça arrive, tu vois. Oh, ben moi, j'en rigolais déjà à l'époque, tu sais. voilà, c'est mon côté belge. C'est ton côté, voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire, c'est ton côté belge. C'est ça. Mais merci à toi, merci à ton côté belge d'avoir été avec nous dans le podcast. Et donc, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors déjà, il faudrait me trouver. Tu vois, ça, c'est la preuve que je ne suis pas humoriste, les blagues à deux balles. Ça va. Parce que... Non, parce qu'en plus des Isabelle Laillère, il doit y en avoir quand même quelques-unes. Mais pas tant que ça, en fait. J'ai mis des contrats sur la tête de toutes les Isabelle Laillère, donc c'est bon. A priori, il n'y en a qu'une. Non, je plaisante. écoute, Isabelle Laillère, non, @IsabelleLaillère, un peu partout. Écoute, j'ai fait assez cohérent pour le coup. D'accord, très bien. Bah, écoute, je regarderai tout ça et puis je mettrai les liens. Je mettrai également le lien du podcast Viser la Lune. Et je te remercie vraiment d'avoir été mon invité dans ce podcast. Franchement, c'était un plaisir. Et j'espère que j'aurai l'honneur de te voir sur scène bientôt. Bah, écoute, moi aussi. Franchement, je viendrai te voir, je viendrai t'applaudir avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Écoute, merci infiniment pour ton invitation. Et puis, merci à tous. Soyez heureux, réalisez vos rêves. On n'a qu'une vie. Allez-y, la vie est une grande aventure. Et puis, kiffez tout simplement et partagez. Kiffez, partagez. La vie est une aventure. Retrouvez Isabelle Laillère donc, sur les réseaux sociaux. Je vous mettrai les liens. Et pour ma part, vous me retrouvez également partout. Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.